Bonjour, c'est Xavier Mauduit. Je vous propose une histoire végétale avec des forêts, des plantes et des fleurs. Car de Fontainebleau à Compiègne, en passant par Troncet, les forêts du roi envoient du bois. Et à Brocéliande, c'est la légende qui cache la forêt. Avec aussi les impressionnistes qui mettent des fleurs sur la ville. Où, entre les pavés, surgissent les jardins ouvriers. Une histoire végétale, c'est l'œuvre au vert. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Attention, fleurs sur la ville. Le 25 avril 1874, Louis Leroy, chroniqueur au journal Le Charivari, livre son compte-rendu de l'exposition qu'il vient de visiter, celle de la toute jeune société anonyme coopérative d'artistes. Elle est installée dans l'atelier du photographe Nadar, 35 boulevard des Capucines à Paris. Face à un tableau de Monet qui représente le port du Havre, il écrit « Ah, le papier peint à l'état embryonnaire est encore plus fait que cette marine-là. Ce tableau est Impression Soleil Levant, c'est le nom qu'on lui a donné aujourd'hui. » Mais en évoquant l'art du papier peint, ce journaliste rend un bel hommage à la peinture impressionniste liée à la décoration. Jérémy Serment, bonjour. Bonjour. Nous réfléchissons à la peinture impressionniste, à l'art nouveau et à cette idée de décoration au végétal. Mais disons-le, l'histoire de l'art même est une histoire où le végétal est très présent. Que se passe-t-il en cette fin du 19e siècle qui pourrait montrer une rupture dans cette histoire ? Alors, une rupture et en même temps une continuité. Hein. Je pense que c'est assez évident. Maintenant, il est vrai que différents facteurs font certainement qu'on va poser un nouveau regard sur la nature. Et puis, en ce qui concerne notamment alors l'architecture d'une part, mais également les arts décoratifs d'autre part, il va y avoir un moment où on va considérer que les arts décoratifs sont en panne d'inspiration. Et l'un des moyens, effectivement, de mettre en place un style moderne, de renouveler cette production décorative, ça va être de porter donc ce nouveau regard sur la nature, et notamment en la stylisant. Alors l'art nouveau, on en parle souvent à la fin du 19e siècle, mais en fait ce mouvement est beaucoup plus ancien, hein, puisqu'il débute en Angleterre avec le mouvement Arts and Crafts. Hein, on parle évidemment de William Morris en Angleterre comme l'un des artistes les plus connus, mais effectivement donc ce renouveau va avoir lieu notamment avec la Morris and Company à partir de 1861. Hein, qui va effectivement produire un certain nombre d'objets où l'on va effectivement styliser cette nature, renouveler cette approche, et puis également avec un lien avec l'architecture, puisque William Morris va faire construire une maison, la Red House, où il va installer cette société qui s'inscrit dans un environnement naturel également, avec la place du jardin qui a une certaine importance. Hein. Donc ce mouvement de renouveau va se prolonger par la suite dans d'autres pays et notamment en France. Hein. Jérémy, serment, une fleur est une fleur, une plante est une plante, elle ne bouge pas, elle, et le regard lui change. C'est très intéressant parce que, comme vous le disiez, il y a une longue histoire de la représentation de la nature. Pendant longtemps, c'est vrai que cette nature a été stylisée, presque symbolique, il y avait énormément de codes dans ces tableaux. À la fin du 19e siècle, dans ce nouveau regard, c'est une autre approche plus générale sur la nature. Alors c'est une autre approche qui est égale. Alors il y a beaucoup de paradoxes, hein. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois cette volonté de revenir à une certaine nature, ce qui est évidemment lié avec au développement de la société industrielle, et d'un autre côté, certains acteurs de ce renouveau, comme William Morris par exemple, vont rejeter l'industrie pour privilégier une production artisanale, d'autres au contraire vont dire, pour diffuser davantage dans une perspective d'art social cette décoration florale, on va devoir faire appel à l'industrie. Donc cette question du lien entre beaux-arts et industrie est vraiment au cœur des débats à cette époque-là. Et finalement, on va aussi souhaiter amener la nature chez soi, la nature dans la ville. Donc c'est un petit peu pour moi aussi là où est tout ce paradoxe, hein, effectivement. Et c'est un enjeu même. C'est un enjeu parce que c'est un choix évident de faire venir la nature avec cette histoire de l'art qui est fascinante, bien sûr, celle de la fin du 19e siècle avec cet enchaînement extrêmement rapide des révolutions artistiques majeures. Mais quand nous pensons à l'école de Barbizon, par exemple, où les peintres vont dans la forêt de Fontainebleau peindre la nature, là, la démarche, c'est aussi de se rendre physiquement en tant que peintre dans la nature. Tout à fait, tout à fait. Mais on va vouloir amener cette nature également, chez soi. Hein. C'est également pour cela que, notamment, alors on va dire après Barbizon, après le réalisme, après l'impressionnisme, notamment avec le post-impressionnisme, pour caricaturer un petit peu, on va également vouloir faire venir cette décoration. Et cette peinture, parfois, qui représente des paysages, alors non pas de façon naturaliste, hein, cette fois-ci, chez soi. Hein. Donc c'est aussi le développement de la peinture décorative. On peut prendre l'exemple des peintres du groupe Naby, qui ont d'ailleurs quelques accointances avec l'art nouveau. Hein, les Naby, qui à partir de 1888 et surtout dans les années 1890, vont souhaiter créer un grand nombre de décors. En fait, c'est plus la peinture de chevalet. Ça va être cette peinture décorative qui rentre également dans les intérieurs et où les sujets, dans bien des cas, sont également naturels. Par exemple, les jardins publics d'Édouard Vuillard. Et puis, c'est vrai que le peintre qui va dans la forêt pour représenter la nature rapporte cette nature à la maison, puisque le tableau est destiné quand même à être accroché dans un appartement ou dans une maison et non pas sur un arbre au milieu de la forêt. C'est la révolution impressionniste à la fin du 19e siècle. C'est Monet qui, malgré lui, inventa le mot impressionnisme en intitulant une de ses premières toiles « Impression ». Le mot fit fureur et mit en fureur la critique. Et c'est par dérision que l'appellation fut lancée. Monsieur Albert Wolff, critique au Figaro, écrivit en parlant de Monet, de Cézanne et de Renoir ceci. Ces soi-disant artistes prennent des toiles, des couleurs et des brosses, jettent au hasard quelques tons et signent le tout. C'est ainsi qu'à Ville-Évrard, maison des fous, des esprits égarés ramassent des cailloux et se figure avoir trouvé les diamants. Sacha Guitry, évidemment, qui parle de l'impressionnisme. Marine Kiziel, bonjour. Marine, vous nous entendez depuis Besançon, où vous vous trouvez, vous arrivez avec cet ouvrage, La peinture impressionniste et la décoration. Parce que il y a de ça qui est sensationnel dans cette révolution impressionniste. Nous nous arrêtons bien souvent sur ce moment, 1874, quand certains sont surpris de cette nouvelle manière de représenter le monde. Mais la réflexion peut s'étendre bien plus loin à la décoration. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que la décoration ? Qu'est-ce que la décoration ? Mais pour vous répondre, Xavier, c'est un mot qui vous file entre les mains et une réalité bien glissante, effectivement, que les impressionnistes ont forgé à leur manière à partir du milieu des années 1870. Pour les impressionnistes, la décoration, tout d'abord, ça n'est pas le grand décor. C'est-à-dire que ça n'est pas le grand décor officiel à la manière de Lebrun sur la voûte de la Galerie des Glaces. Ça n'est pas encore non plus exactement ce que bientôt, en partie grâce à eux, on va appeler le décoratif. C'est-à-dire, en fait, une sorte de valeur qui devient une valeur moderne en peinture et qui est puissante dans la manière de concevoir la peinture, mais aussi sa place dans les intérieurs, à la toute fin du 19e siècle. Et pour l'heure, en fait, la décoration, c'est pour les impressionnistes, l'ambition de peindre des tableaux notamment pour des intérieurs, à la dimension de ces intérieurs, c'est-à-dire en s'embarrassant en réalité d'un commanditaire et d'un espace très particulier à orner, avec l'idée que cette peinture qui peut être peinte sur chevalet bien souvent par eux, puis remise à un marchand, là, va vraiment s'intégrer comme peut-être une fenêtre sur le monde, sur un monde rêvé, qui est celui beaucoup de la nature, effectivement, dans des intérieurs choisis, qui sont ceux de commanditaires suffisamment éclairés pour donner leur mur à ces peintres jeunes et décriés que vous avez évoqués. Marine Kiziel, mais là aussi nous nous inscrivons dans une très longue histoire. Nous avons tous visité des châteaux et admiré comme ça ces représentations sur les murs, mais d'œuvres réalisées spécialement pour telle salle, pour orner un dessus de porte. Les impressionnistes s'inscrivent dans cette histoire-là, mais ils connaissent très bien tous ces châteaux. Exactement, et c'est là tout l'intérêt du sujet qui permet de les trouver là où on ne les savait pas être, puisqu'en fait on a l'impression que ces artistes sont ceux d'une peinture claire, simple, spontanée, une impression exactement, et on a souvent dit de Monet, qui a été considéré parfois comme le premier d'entre eux, que c'était un œil, et simplement un œil. Et en fait non, ce sont des artistes qui s'inscrivent effectivement dans une histoire assez longue, et aussi dans une aspiration puissante du 19e siècle, de remettre la peinture sur les murs, comme si elle s'en était détachée, et comme si en fait, depuis la paroi, vous voyez, rougie de terre rouge appliquée sur la main d'un artiste préhistorique jusqu'à eux, il n'y avait qu'une sorte de vérité pour la peinture qui est celle d'être appliquée, selon les termes de l'époque, sur la muraille. Et effectivement, en fait, tout au même moment qu'ils font, peignent ces tableaux de chevalet qu'ils remettent à leur marchand, eh bien, ils cherchent des murs, ils cherchent des commanditaires et ils cherchent précisément à rénover, en fait, le décor, la décoration des intérieurs en y amenant leur thème, en y amenant de la lumière et en y amenant, en fait, une forme de nouveauté qui s'inscrit, vous avez raison, dans des formes relativement classiques. Et ça, c'est une chose nouvelle, finalement. Ils amènent leurs thèmes, ces peintres impressionnistes. Ces thèmes sont extrêmement variés. Jérémy Sermant, l'histoire de l'art est découpée par petites tranches. Les impressionnistes, les nabis, etc. Mais toutes ces tranches se superposent et puis la carrière d'un individu est longue, c'est-à-dire qu'il évolue lui-même. Et dans cette histoire-là, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de saisir combien le végétal devient important. Vous êtes spécialiste, vous, de ces années 1910. Art décoratif, mode, design, c'est l'ouvrage que vous faites paraître, Jérémy Sermant. Dans ce regard que vous portez sur ces années 1910, vous avez une continuité aussi avec les impressionnistes, et on l'a dit, qui naissent, pour le dire simplement, dans les années 1870. Alors, il y a évidemment énormément, enfin je crois que l'histoire de l'art est faite de ruptures, comme on dit, mais également énormément de continuité, hein. Donc ça c'est assez évident, sauf que à tel ou tel moment, si l'on parle du végétal ou de la flore, on va l'interpréter de façon différente, hein. Alors ce qu'on évoque souvent justement pour l'art nouveau, c'est la fameuse ligne coup de fouet, hein, que va employer Victor Horta à Bruxelles, ou Hector Guimard à Paris. Donc cette ligne coup de fouet, donc toute en courbe, hein, qui va être employée par beaucoup d'autres artistes, comme le Tchèque Alphonse Mourat notamment, et cette ligne coup de fouet qui parfois va être également utilisée à l'excès, hein, c'est ce qui va entraîner finalement certains termes péjoratifs. On parlera de style nouille. Et effectivement, si on avance progressivement vers le XXe siècle, notamment vers les années 10, puisque vous avez rappelé que j'ai travaillé en particulier cette période, parce que je m'intéresse justement sur beaucoup à cette transition de l'art nouveau à l'art déco, hein, progressivement, cette flore, elle sera toujours stylisée, mais beaucoup plus géométrique. Donc on parle souvent de rupture, mais en même temps, c'était un petit peu mon propos avec ce colloque qui a donné lieu à une publication, c'est qu'effectivement, il y a énormément de continuité, hein, notamment de cette géométrisation des formes que l'on va trouver également, toujours dans cette inspiration naturelle, dès l'époque de l'art nouveau, dès l'époque 1900, notamment dans certains foyers germaniques en Allemagne et en Autriche, par exemple. Oui, et puis en République tchèque, enfin, qui n'existait pas encore, cette République où vous parlez couramment le tchèque et vous dites Alphonse Mourat, donc c'est le Mucha français. Exactement, pour nos auditeurs. Vous avez raison de le préciser, Marine Kiziel. Pour les impressionnistes, nous ne sommes pas dans cette vision géométrique de la nature, nous ne sommes pas non plus dans cette volonté de représenter le végétal dans sa manière la plus réaliste. Nous sommes, nous l'avons dit, dans une impression. Mais quand vous nous expliquez qu'ils apportent leur thème à l'intérieur des domiciles, quels sont ces thèmes en fait? Le végétal a une place, bien sûr, mais ce n'est pas n'importe quel monde végétal. Non, effectivement, et c'est un monde végétal qui est pour commencer celui du jardin, et en fait d'une passion, là encore du siècle, mais qui est plutôt celui de la classe bourgeoise émergente, enfin émergente, non, une passion émergente de la classe bourgeoise sous le Second Empire et la Troisième République, c'est-à-dire dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et qui est celle du jardin, de l'horticulture. Et en fait, on se rend compte que des artistes tels que Caillebotte, tels que Monet, des littérateurs auprès d'eux et des écrivains tels que Octave Mirbeau vont avoir un vrai intérêt pour le jardin. Et donc pour commencer, pour vous répondre, le premier thème qui investit la peinture impressionniste et notamment sa facette décorative, c'est celui du jardin, des plates-bandes. Et c'est très intéressant de voir ainsi comment Monet et Caillebotte échangent des conseils en peinture, les joies de la rivière et du canotage, mais aussi des plans, des boutures, et se disent par lettre « Venez lundi, tous mes iris seront en fleurs, un peu plus tard ils auront défleuri ». Et donc on sent en fait comment leur travail de jardinier, parce que c'est un véritable travail pour l'un et l'autre, est une passion qui s'exprime et qui gagne la surface des tableaux. Et c'est ainsi, en fait, qu'elle gagne aussi les murs. Caillebotte, par exemple, pour sa propriété du petit Gennevilliers, va construire un jardin de fleurs à la manière d'un jardin potager, ce qui est étonnant, c'est-à-dire avec de grands carrés qui sont, en fait, comme une palette de couleurs devant ses yeux. Et bientôt, ces fleurs, elles vont grimper sur la surface des tableaux, et c'est l'extraordinaire semis de marguerites qui a été récemment acquis par le musée de Giverny. Et c'est des portes qui représentent l'intérieur de ces serres et avec lesquelles il joue en fait sur la réalité de l'extérieur de la maison, c'est-à-dire du jardin, qui gagne l'intérieur de la maison, un peu comme un papier peint, mais un papier peint de peintre peint à la main. Et avec ces portes, on rentre dans une serre de peinture, mais parce que Caillebotte en fait sort de la serre horticole dans laquelle il fait pousser des orchidées extraordinaires avec un calorifère et avec aussi toute la technologie et la technicité de l'époque. Et finalement, c'est la même chose qui va arriver pour Monet avec ses nymphéas qui sont des fleurs très nouvelles, très neuves. Oui, vous avez cité Giverny, mais pour Giverny, effectivement, la bâtisse elle-même n'existe que par le jardin. Et le jardin a besoin aussi de la bâtisse, sinon on est où? On est au milieu de nulle part. Ce n'est plus un jardin, il faut un bâtiment. Et les deux se mêlent à Giverny aussi. Oui, exactement, parce que Monet en fait s'installe dans cette maison en étant locataire, et puis s'enamoure de ce jardin dans lequel il enlève petit à petit en fait tout ce qui fait de l'ombre, les grands arbres aux grandes dames de sa femme Alice, pour aller planter des bégonias, des iris, des dahlias, et bientôt en fait pour faire creuser ce jardin d'eau sur une parcelle qu'il acquiert au moment où il acquiert la maison et qu'il fait creuser en fait en dépit de l'opposition des paysans de Giverny qui au départ sont vent debout contre cette idée de capter l'eau commune pour en faire un jardin de fleurs. Et Monet, en fait, qui aurait peut-être fait de l'art numérique aujourd'hui parce qu'il est toujours à la pointe, en fait, de ce qui est proposé techniquement aux artistes, va à l'exposition universelle de 1889 visiter la section horticole et là rencontre en fait vraiment une fleur qui est le nymphéa chromatella, qui est en fait une invention réelle d'un jardinier comme il y en a eu, jardinier inventeur de nombreux au 19e, qui s'appelle Joseph Bory Latour-Marliac. Et Joseph Bory Latour-Marliac est celui en fait qui donne au monde et notamment en fait à une Europe un peu froide la capacité à dépasser le blanc du nymphéa vernaculaire, ce petit nénuphar qui produit une fleur blanche, et à réussir en dehors des serres chaudes et en dehors des terres exotiques desquelles il fait venir ses fleurs, qui réussit à culturer, à acclimater des nymphéas bientôt colorés. Et là, la palette de Monet augmente de toutes sortes de couleurs, des nymphéas jaunes, des nymphéas verts, des nymphéas rouges, roses, bleus, et les bleus ne tiennent pas à Giverny, il en est assez triste, qui deviennent en fait une sorte de palette végétale qu'il fait pousser avec des jardiniers et qui va devenir l'inspiration de sa peinture. L'eau est omniprésente dans ce que vous nous dites, Marina Kiziel. C'est normal parce que les végétaux ont besoin d'eau, tout comme les canotiers qui vont déjeuner à la maison Fournaise. Voici au bord de la Seine la maison Fournaise, simple bâtiment sans grâce, mais qui a eu un destin exceptionnel puisqu'elle fut le lieu de rencontre des impressionnistes. Hélas, cette maison tombait en ruine, ayant eu des utilisations diverses, plus dégradantes les unes que les autres. Grâce à de nombreux donateurs et à la municipalité de Chatou, elle va être enfin restaurée et transformée en musée. Pour encourager des initiatives de cet ordre, Antenne 2 organise un concours doté de 400 000 francs de prix offerts par la Caisse nationale des monuments historiques et des sites et destiné à récompenser tous ceux qui, par leur courage et leur ténacité, ont permis de sauver dans les années passées un monument. Envoyé avant le 15 juillet prochain, un dossier complet sur la restauration que vous avez entreprise à l'adresse suivante, chef-d'œuvre en péril, Antenne 2, 22 avenue Montaigne, Paris. Non, ça ne sert à rien d'envoyer votre dossier parce que nous étions en 1985, mais surtout parce que depuis, la maison Fournaise a été restaurée admirablement. D'ailleurs, nous sommes à Chatou avec la maison Fournaise, Marine Kiziel. Ben voilà, là nous avons un élément très intéressant parce que le lieu est au milieu des végétaux. Nous sommes sur les bords de la Seine. Le lieu a servi pour des artistes de cadres magnifiques pour réaliser des tableaux, mais sur les murs même, eh bien, on pouvait aussi faire des éléments. Alors, la question se pose, est-ce de la décoration ou est-ce simplement une œuvre sur un autre support qu'une huile sur toile ? Je ne saurais exactement vous répondre. Ce qui est sûr, c'est que quand l'image, quand la peinture, quand la surface en fait et les couleurs se mêlent sur le mur lui-même, c'est sans doute de la décoration. Et en fait, c'est une chose, je le disais dès l'abord, difficile à appréhender que celle de la décoration qui nous amène en fait à regarder comment on appose finalement pour orner des intérieurs, des couleurs, des formes, des lignes sur la muraille. Et que ce soit à la Maison Fournaise avec des travaux de rapin, que ce soit sur les murs de l'Orangerie avec Monet, ou que ce soit en passant par les mille et une pièces et intérieurs dont vous parlerez Jérémy, eh bien on est là dans une volonté en fait qui est celle de la fin du 19e d'orner l'intérieur pour en faire aussi un refuge en dehors finalement du monde moderne qui est bruissant, ces villes qui deviennent tentaculaires, qui deviennent celles d'une vie rapide, parfois heurtée, un peu chaotique, en fait celle des métropoles nouvelles. Eh bien on peut s'en prémunir quand on en est un peu heurté sans doute, par la peinture, quelle qu'elle soit, et par les formes décoratives ornementales. Jérémy Sermon, le végétal rassure dans la ville ? Il peut également inquiéter. Ben oui, parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'insectes qui apparaissent. Pour les impressionnistes, les insectes sont présents, mais enfin, ils sont extrêmement en marge, alors qu'avec vous, c'est un monde végétal complet qui apparaît dans ces arts décoratifs absolument étonnants. Les insectes servent également à la parure. Hein. Regardez René Lalique ou Lucien Gaillard, qui est moins connu, hein, mais effectivement, ces insectes se retrouvent également pour parer la femme. Hein. Donc, il peut y avoir aussi un peu ce côté un peu étrange pour nous aujourd'hui de voir cela. Pour compléter un peu ce que disait Marine hein, sur justement est-ce de la peinture, de la décoration, il faut bien comprendre également. Alors, est-ce déjà le cas un petit peu en partie à l'époque de l'impressionnisme, mais qu'à la fin du 19e siècle, on va vous souhaiter abolir hein, la hiérarchie des arts, hein, c'est-à-dire est-ce que la peinture est plus importante que le décor? Non, un certain nombre d'artistes vont considérer qu'il faut abolir cette différenciation entre art majeur, c'est-à-dire peinture, sculpture, architecture, et art mineur. Hein, donc ça, c'est un point assez important aussi. Et dans l'économie même du champ artistique, cette hiérarchie s'impose par les salons, ces grands moments culturels, le salon d'exposition des peintures tous les ans. Eh bien, ici, nous sentons bien que par les thèmes qui sont imposés, par les formes même, il y a la hiérarchie. Pour un artiste qui veut faire carrière, la décoration, c'est difficile en soi parce que c'est un peu sale quand même. Oui, oui, sauf que les arts décoratifs trouvent leur place dans les salons à partir des années 1890, que la Société des artistes décorateurs, qui est ancrée en 1901, organise à partir de 1904, donc déjà à l'époque de l'art nouveau, même si elle sera célèbre en plus grande partie à l'époque de l'art déco, donc la SAD, la Société des artistes décorateurs, organise sa première exposition dès 1904. Oui, donc entièrement consacré aux arts décoratifs. Et dès 1901, effectivement, il y a cette réflexion. Écoutons l'avant-propos des statues de l'école de Nancy. L'école de Nancy tient à mettre spécialement en lumière le caractère de beauté et les avantages du décor inspiré par l'observation directe des êtres et de la vie. Principe fécond, rationnel, que les maîtres lorrains modernes ont été les premiers à faire admettre. Par leurs œuvres, par leurs écrits et leur contribution au style du mobilier contemporain d'après la nature, c'est-à-dire un style contemporain qui reflète les spectacles de la réalité ambiante, en accord avec la connaissance que notre époque possède dans les sciences naturelles. Olivier Martineau dans Le cours de l'histoire qui disait cet avant-propos des statues de l'école de Nancy, c'était en 1901, l'école de Nancy. Les sciences naturelles, c'est évoqué, il y a ce mot science qui apparaît. L'école de Nancy, c'est l'art nouveau, on va dire, l'art nouveau. En quoi il y a une démarche intéressante et presque scientifique, Jérémy Sermon ? Alors, la démarche scientifique, enfin déjà les liens entre art et science hein, se développent de plus en plus évidemment à mesure que les sciences se développent au 19e siècle. Et il y a dans ce lien à la nature, justement, un certain nombre de savants qui vont s'intéresser justement à, d'une certaine manière, aux arts décoratifs. On peut penser notamment au biologiste allemand Ernst Haeckel qui va publier alors plusieurs ouvrages, mais notamment un recueil en 1904 qui s'appelle en allemand Kunstformen der Natur, où il va proposer un certain nombre de planches qui apparaissent finalement comme des ornements, mais qui portent sur différentes formes naturelles. Alors après, cette mode, on va dire, cette inflation de publications, de recueils d'ornements à cette époque-là, qui d'ailleurs, dont l'origine peut être retrouvée dès les Arts and Crafts en Angleterre, avec la grammaire de l'ornement de Owen Jones, donc même un peu avant les Arts and Crafts, va avoir tendance effectivement à proposer en différentes planches, effectivement comme un herbier, finalement, en souhaitant décortiquer différentes espèces végétales, florales, et montrer également leurs diverses applications dans le domaine des arts décoratifs. Hein, mais donc il y a cet aspect, cette importance de la botanique également, d'une bonne connaissance, d'une bonne étude effectivement de ces différentes espèces qui est privilégié. Alors, je voudrais juste également compléter au niveau de l'école de Nancy, hein, puisque vous avez passé cet extrait, pour dire également, alors il y a cette démarche scientifique, mais également à Nancy une particularité, hein, qui est également toute une dimension symbolique, hein, qui est évidemment liée à la situation de la ville de Nancy à cette époque-là, et où finalement certaines espèces végétales, certaines fleurs vont être utilisées dans le cadre de cette identité régionale qui est assez forte. Alors on va notamment beaucoup employer le chardon, hein, donc que l'on retrouve sur le blason de la ville de Nancy, et puis également un artiste comme Émile Gallet, par exemple, va dans ses œuvres à la fois verrières et dans ses œuvres mobilières utiliser une végétation, des fleurs qui sont typiques de la région, hein. On pense notamment enfin de la Lorraine, hein, puisqu'il y a cette nostalgie des territoires perdus. Également, on pense notamment à ce vase rose de France, effectivement, où il va représenter la Rosa Gallica que l'on trouve uniquement du côté de Metz. Alors tout ça, c'est pas seulement propre à Nancy, hein. Je pense également, alors quelque chose qui est beaucoup moins connu certainement des auditeurs français, au style sapin, hein, qui est l'une des déclinaisons de l'art nouveau qui se développe en Suisse dans la ville de La Chaux-de-Fonds, qui est par ailleurs la ville natale du Corbusier, et où on va effectivement privilégier cette iconographie jurassienne, et on va employer des motifs de sapin notamment. Voilà. Oui, l'intérêt pour les végétaux qui sont autour de nous, mais c'est vraiment ce mouvement en fait qui transcende toute cette fin du 19e siècle et ce début du 20e siècle. Marine Kissiel, à part ces nymphéas qui sont l'invention que vous nous avez expliquée, c'est sublime, mais les peintres impressionnistes s'intéressent aux fleurs qui sont autour d'eux. Il y a ces pâquerettes de caillebotte. Il y a un intérêt, en fait, dans ce monde qui est en train de s'industrialiser et qui s'industrialise très vite, à un retour presque à l'essentiel. Et c'est sûr que face à une locomotive, une pâquerette n'est pas grand-chose. Et pourtant, elle est essentielle. C'est la fugacité de la fleur qui était déjà chantée par Ronsard. Et les premières fleurs, en fait, que les impressionnistes mettent dans leur jardin, ce sont leurs épouses, leurs maîtresses et leurs modèles dans ces jardins de banlieue. Parce que, on ne l'a peut-être pas assez dit, à la fin des années 1860, début des années 70, la ville s'étend et, en fait, grignote ce qui était autrefois absolument rural pour transformer cette zone interstitielle où croissent des pavillons. C'est un mouvement qu'on connaît toujours aujourd'hui. En une banlieue. Et dans cette banlieue, en fait, on orne son jardin non seulement de fleurs, et de fleurs en partie nouvelles, pas que des marguerites, mais aussi, en fait, de ces femmes qui font l'agrément aussi de la vie. Et Caillebotte est l'un de ceux qui mélange les deux avec beaucoup de délicatesse dans de grands tableaux où vous voyez, par exemple, apparaît presque sous vos pieds un chemin qui vous mène tout à la fois à un massif de roses et à celle que nous reconnaissons aujourd'hui comme Charlotte Berthier, qui était en fait sa compagne. Monet fait de même avec ces femmes au jardin. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir que ces femmes au jardin, ce grand tableau de femmes toutes en blanc dans des toilettes magnifiques du Second Empire, a été vendu par Monet et c'était la condition, en fait, pour lui, de la donation dans les années 1920 des nymphéas. Donc vous voyez, le lien, en fait, se fait directement. Et pour revenir aux pâquerettes, certes, ces fleurs ont inspiré les artistes, mais en fait, des fleurs qui nous paraissent très simples, les dahlias, les pivoines, les clématites, étaient en partie, à l'époque, des fleurs nouvelles. Parce que le 19e se passionne, je le disais, pour l'horticulture, mais aussi parce que par hybridation, par travail, on crée de nouvelles fleurs, on les présente lors de diverses expositions dédiées. On en parle aussi beaucoup à la bourgeoisie qui se passionne pour cela et qui s'abonne dans des journaux. Et le pépiniériste Godefroy Leboeuf, qui est le pépiniériste de Caillebotte, puis de Monet, Joseph Boris Latour-Marliac, dont je parlais, en fait, sont des hommes qui ont créé des quotidiens, ou plutôt des mensuels que nous connaissons pour certains toujours. Si je citais un certain Georges Truffaut et ses publications, l'auditeur n'aurait aucun mal à reconnaître en fait les jardineries Truffaut qui existent toujours. Or, Georges Truffaut se rend par exemple pour faire la promotion de ses iris à Giverny, où il fait écrire le jardinier de Monet, Félix Breuil, qui lui avait été trouvé par Octave Mirbeau. Donc vous voyez que là, les mondes se mêlent, mais aussi les fleurs, grandes et petites, belles et surprenantes. Et Monet a l'habitude, dès les années 70, de signer sous les fleurs les plus importantes de ses jardins. Et j'en veux pour preuve un petit tableau représentant sa maison à Argenteuil dans les années 70, où il signe très ostensiblement sous ce qui était en fait une plante mexicaine qu'il semble particulièrement fier d'avoir dans son jardin. Donc pour nos yeux aujourd'hui, c'est simplement des fleurs. Mais en fait, pour l'époque, ce sont aussi des prouesses techniques et des merveilles de passionnés. C'est la grande période des jardins d'acclimatation de Paris, qui est créé sous le Second Empire. Mais alors, dans cet écho qu'il y a entre les fleurs et les femmes, nous l'avons entendu dans ce que nous disait Marine Kiziel pour les impressionnistes, Jérémy Sermant, vous avez la même chose avec l'Art Nouveau, le corps féminin qui se mêle à la végétation. Alors, on parle souvent pour l'Art Nouveau de femmes fleurs. Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi beaucoup de liens, vous parliez tout à l'heure de mouvements artistiques qui se superposent entre les au pluriel, un tendance symboliste de la fin du 19e siècle, où vous avez une inflation de représentations féminines, et effectivement l'Art Nouveau, c'est-à-dire qu'un artiste comme Moura, à nouveau, peut être vu à la fois comme un artiste dont l'œuvre relève des symbolismes, et de l'Art Nouveau. Alors effectivement, à notre époque, où la place est de façon justifiée, a pris une autre place, on pourrait considérer que ces femmes sont un peu considérées, voilà, comme de simples femmes fleurs, comme de simples femmes ornementales, c'est-à-dire que notamment, je parlais de cette ligne coup de fouet, cette ligne courbe qu'on va trouver à la fois dans la chevelure des femmes chez Moura et à la fois dans les tiges du végétal. C'est là où des artistes comme Moura, comme Georges de Feur, comme beaucoup d'autres vont établir un lien entre cette iconographie féminine et cette iconographie florale. Et ces fleurs, ces végétaux, nous les retrouvons jusqu'au métro. Alors Guimard, qui avait déjà donné une construction qui épouvantait tout le monde à Paris, 14 rue La Fontaine, le Castel Béranger, s'est absolument déchaîné dans ces petits édicules qui représentaient pour un architecte de 30 ans une commande extrêmement importante. Alors Guimard, vous le savez comme moi, a conçu divers édicules, le plus grand, la chapelle de cet ensemble, c'était la station Bastille, qui a été un jour détruite à coups de masse par des ouvriers mandatés spécialement par la RATP à cet effet. C'est un acte de vandalisme qu'on ne saurait trop encore stigmatiser aujourd'hui. Ce monument, j'ose employer cette expression, était tout à fait unique en son genre. Guimard l'avait conçu dans tous ses détails. Je trouve qu'il apportait au paysage un élément absolument original. C'est Roger-Henri Guérand, historien, qui s'exprimait dans les après-midi de France Culture en 1977 avec beaucoup, alors, de colère face à la disparition de cette station du métropolitain à Bastille, parce que il y a quand même, et nous le savons avec les impressionnistes, un mouvement de réaction face à ce qui est proposé. Très bien connu avec les impressionnistes, mais quand Guimard fait une maison, un immeuble particulier, on peut dire que voilà, nous sommes ici dans un choix individuel. Mais pour le métro, c'est beaucoup plus complexe. Les stations sont encore privées, c'est encore autre chose. Ce sont des compagnies privées. Mais il y a comme une audace presque sidérante, Jérémy Sermant, avec ses propositions. Oui, mais alors il faut bien voir que finalement, par rapport au programme social de l'Art Nouveau, on peut s'interroger sur ce qui a le mieux fonctionné, effectivement, puisque l'idée, c'était effectivement avec l'Art Nouveau d'intégrer l'art à la vie. C'était également une démocratisation artistique, faire que chacun puisse avoir accès à cette esthétique moderne. Alors évidemment, en matière d'art décoratif, chez soi, ça n'a pas très bien fonctionné, c'est resté dans du domaine, en grande partie, pas seulement, mais du domaine de l'utopie. Par contre, il est vrai que l'une des grandes réussites, c'est certainement d'une part, en ce qui concerne Paris tout du moins, les stations de métro de Guimard, hein, qui fait que chacun, et même jusqu'à aujourd'hui, vit avec un petit peu d'art nouveau. Et puis d'autre part, on en parlait tout à l'heure, notamment avec Moura, mais l'art de l'affiche. Alors après, il faut voir également la violence hein, de certaines critiques à l'encontre de Guimard dans les années 1890-1900. On pense notamment à un journaliste du journal Le Gaulois qui allait... Alors, on parlait du Castel Béranger qui, effectivement, dans le Castel Béranger, voyait des diables hein, dans tous les détails de l'édifice. Certains ont parlé d'une maison de cauchemar. Et puis, Guimard lui-même a d'ailleurs ironisé, parce que je m'y suis intéressé, au sujet de ses propres papiers peints qui, soi-disant, auraient donné des cauchemars aux habitants. Hein, ces papiers peints, alors qu'ils ne représentaient pas de fleurs, mais simplement des lignes hein, organiques qui évoquaient le végétal. Et puis après, évidemment, alors c'est également ce qui a mené à toutes ces destructions. L'art nouveau est passé de mode hein, très vite. On va dire que ça, les excès, certaines expressions assez excessives ont mené, je l'ai dit tout à l'heure, à un certain nombre d'appellations péjoratives, hein, le macaroni moura, le style nouille notamment. Et puis, passant de mode, l'art nouveau a été un petit peu oublié, ce qui a entraîné de nombreuses destructions. Alors, l'extrait que vous avez passé dans les années 70, il faut voir également que c'est voilà, dans les années 60 et 70 que progressivement on va avoir une nouvelle conscience patrimoniale aussi de tout cela. Vous savez, l'histoire de l'art est également faite de revival. Il est vrai qu'il y a un certain nombre de liens à faire entre certaines formes décoratives telles qu'elles se développent dans les années 70 et également cette redécouverte dans le même temps de l'art nouveau. Marine Kiziel, vous êtes docteur en histoire de l'art, conservatrice du patrimoine, conseillère scientifique à l'Institut national d'histoire de l'art, l'INHA. Et puis vous arrivez avec la peinture impressionniste et la décoration publiée par Le Passage. Nous venons de l'entendre hein, pour l'art nouveau, ben, contestation sur le moment et puis... Il y a des effets de mode, la mode passe et puis on passe à autre chose et c'est très bien, c'est ce qui permet d'écrire l'histoire de l'art. Mais dans cette histoire de l'art, la décoration n'était même pas vue, votre ouvrage est novateur, donc ça veut bien dire que la décoration elle-même, même si les artistes luttaient contre cette séparation sous les différentes formes d'art, en fait, restait présente au moins pour les historiens, les historiennes de l'art, j'ai envie de dire jusqu'à vous, mais pas que. Non, on ne pourrait pas me hisser comme la première à regarder cela. Et néanmoins, mon travail avait une ambition globale qui est peut-être neuve. Bon, ce qui est sûr, c'est que depuis presque une heure, nous parlons avec vous, Xavier, et avec Jérémy, de cette décoration et des arts décoratifs comme de choses évidentes et d'ailleurs fort belles et tout à fait intéressantes. C'est vrai. Mais on ne peut pas oublier qu'il y a des hiérarchies en art. Jérémy les a en partie déjà évoquées et qui influent aussi sur le travail des historiens de l'art. Malheureusement, et que donc, pendant longtemps, le décoratif a été considéré comme mineur. Et évidemment, les impressionnistes devenant, dans la seconde moitié du XXe siècle, des artistes particulièrement regardés, loués, célébrés et qui attirent les foules, on s'est assez peu penché sur ce qui a pu être un chemin de traverse, des réflexions parfois inabouties, et derrière, en fait, le joyau des grandes décorations de l'orangerie, c'est-à-dire des lymphéas, des œuvres moins intéressantes parfois, qui témoignent de doutes, d'échecs, d'errance, mais qui sont aussi pour cela fort intéressante. Et dans mon travail, effectivement, je regarde comment Pissarro se remet à la céramique, comment Renoir peint sur ciment, ce qui n'est pas très agréable à l'œil au demeurant, comment Degas fait des essais sur les couleurs de l'encadrement, et comment en fait donc ces artistes se sont intéressés à des zones tangentes, interstitielles en fait, entre les arts décoratifs réellement qu'ils n'ont pas pratiqués, puisqu'ils n'ont pas créé de meubles, ils ne sont pas allés très loin dans le domaine de l'objet, et la peinture, comprise comme la grande peinture, qui est celle du sommet de la hiérarchie des arts. Et là, au milieu, en fait, on comprend comment ils s'intègrent dans leur temps, comment on peut les remettre dans une histoire de l'art qui les fait participer à faire émerger l'idée du décoratif en peinture avant que les nabines s'en emparent réellement et avant, en fait, que, c'est Maurice Denis qui le dit, le décoratif devienne la tarte à la crème entre artistes et entre gens du monde dans les années 1890. Et là, il y a vraiment un mouvement, en fait, de fond qui permet de comprendre comment on va des peintures de Rapin sur les murs des auberges, telles que les auberges de Barbizon et les auberges de Chatou et d'autres lieux, jusque à cette réussite des nymphéas. Mais laissez-moi peut-être préciser pour finir que la réussite des nymphéas pour nous aujourd'hui, elle est évidente. En revanche, dans la première moitié du XXe siècle, pas grand monde en réalité ne s'intéresse aux nymphéas. Et ils sont dans un oubli tel que le conservateur des musées nationaux écrit la belle-fille de Monet et à son fils au milieu, enfin pendant l'entre-deux-guerres, en disant mais qu'est-ce qu'on fait des nymphéas, est-ce qu'on les détacherait pas des murs? Et heureusement, ils tiennent ferme. Et après la Seconde Guerre mondiale, et avec le regard notamment de peintres américains, de ce que l'on appellera bientôt l'expressionnisme abstrait américain, eh bien un renouveau du regard se pose sur cette œuvre qui est magistrale et qui tient les murs et qui aussi troue la paroi pour nous emmener dans les eaux et les végétaux de Giverny. Les nymphéas que l'on peut voir au musée de l'Orangerie à Paris, ces nymphéas commandés à Claude Monet après la Première Guerre mondiale, tout juste après. Mais oui, d'ailleurs, il y a un effet de génération, Marine Kizial, parce que bien ces impressionnistes restent. Monet meurt en 1926, donc l'art nouveau, il l'a vu. Y a-t-il des études, des réactions, sait-on comment ces impressionnistes qui ont mis le végétal au cœur de la ville, eh bien, ont vécu l'arrivée d'autres végétaux, ceux de l'art nouveau? Pas exactement, parce qu'en fait la génération impressionniste, elle commence à s'effacer dans les années 1890, Caillebotte, Morisot, et bientôt au tout début des années 1900, Cézanne et Pissarro. Et en fait, il ne reste des impressionnistes que Degas, que les végétaux intéressent peu, vous en conviendrez, Renoir peu également, et Monet qui meurent respectivement en 1919, 17 et 26. Et donc Monet en fait est le seul à avoir véritablement vu cela. À ma connaissance, c'est peu exprimé, et c'est surtout reclus, en fait, à Giverny, en s'immergeant dans ce monde dans lequel il accueillait des privilégiés et qui venaient voir le jardin et depuis lequel il a assez peu parlé, finalement, de la création contemporaine. Oui, c'est Clémenceau qui commande les nymphéas. Nous avons là... Permettez-moi de le dire. En fait, Monet, et je pense qu'en ces temps guerriers et dramatiques, tragiques, évidemment, on peut le dire, c'est assez beau. Monet, en fait, donne à l'État français, via Clémenceau, au lendemain de l'armistice, le 12 novembre 1918, deux panneaux de nymphéas qui ne vont cesser de croître et qui deviendront les grandes décorations de l'orangerie. Et c'est, dans ses propres mots, sa manière de vieillard, en fait, de participer à la victoire. Et dans le même mouvement, il y a aussi des choix privés, économiques. Je pense à toutes ces brasseries marquées par l'art nouveau. Jérémy Serment, mais là aussi, c'est un choix. Quelle est l'ambition quand un entrepreneur se dit « ma brasserie, elle va être décorée avec ces végétaux un peu stylisés ». Alors, je crois qu'il faut, il y a une réévaluation au niveau de l'historiographie effectuée de l'art nouveau. C'est qu'on a souvent parlé d'un échec, mais finalement, on s'aperçoit, si on regarde un petit peu autour de nous, que l'art nouveau, ou alors dont on parlait d'art nouveau de style 1900, parce que parfois on a affaire aussi à un art nouveau un peu plus consensuel, parfois un peu dénaturé, qui oublie peut-être certaines théories, certains idéaux, d'origine. Mais effectivement, l'art nouveau est présent partout et c'est parfois davantage du fait des industriels qui finalement, en s'inspirant de ce que certains pionniers avaient pu faire, en regardant aussi les nombreux recueils d'ornements publiés par des gens comme Eugène Grasset, comme son élève Maurice Pillard-Verneuil, ont pu trouver une inspiration. Ces recueils étaient destinés à la fois aux artistes, aux artisans, aux dessinateurs industriels. Et finalement, il y a quand même une généralisation de ce style 1900. Regardez, ouvrez des revues d'époque, regardez la typographie qui là encore s'inspire dans bien des cas du végétal. Et c'est aussi, il y a maintenant 10-15 ans, ce que j'avais essayé de faire quand j'ai travaillé sur le papier peint art nouveau, un produit industriel bon marché s'il en est, de montrer comment, par le biais, non pas dans tous les cas des artistes, mais également des industriels, des dessinateurs industriels, finalement, ce style 1900 a pu s'y diffuser un peu plus largement. Et c'est par exemple le cas, effectivement, dans bon nombre de brasseries en France, également en région. À Paris, en région, pardon. Et d'ailleurs, il faut toujours prendre ce petit recul. Vous savez, éviter cet effet loupe où nous parlons de l'impressionnisme, de l'art nouveau. Mais parce que aujourd'hui, il y a comme une validation par le temps qui a passé. Avec l'art nouveau, par exemple, est-on malgré tout un peu en marge de l'art qui est le plus goûté, j'allais dire, considéré comme l'art vraiment imposant? Ah bah ça dépend de quoi on parle. Il faut voir effectivement que certains peintres dits académiques continuent à produire jusqu'à la toute fin du 19e siècle et jusqu'au début du 20e. Mais il y a aussi certains de ces peintres académiques finalement dont l'œuvre à la fin du 19e siècle se rapproche en partie des symbolismes. Alors vous savez, on aime faire des catégories, mettre des étiquettes sur l'œuvre des artistes, mais il y a également beaucoup de porosité au sein de toutes ces productions. Ben c'est ça qui nous intéresse, c'est cette porosité, et notamment la porosité entre le monde végétal et la ville. Merci vivement à tous les deux, Marine Kizial, et je rappelle, la peinture impressionniste et la décoration. Et vous, Jérémy Sermon, vous êtes maître de conférence en histoire de l'art contemporaine à Sorbonne Université, et vous arrivez avec les années 1910, art décoratif, mode, design. Et pour le moment, face à nous arrive, quelle belle plante, Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Comment réussir un coup d'État ? De nos jours, la notion de coup d'État n'a pas bonne presse. Nous avons tous en tête le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1852, ou celui du général Pinochet au Chili le 11 septembre 1973, deux exemples où l'armée a détruit un régime démocratique pour le remplacer par une dictature. Pourtant, lorsque l'expression « coup d'État » s'est diffusée dans la pensée politique européenne, elle avait des connotations plutôt positives. La réflexion sur le sujet s'inscrivait dans le prolongement de la pensée politique développée au XVe siècle par Machiavel concernant la raison d'État. C'est cette raison suprême, affranchie de toute morale, qui devait dicter sa conduite au prince afin de conserver la force et la santé de l'État. En France, le cardinal Richelieu fut le premier dirigeant qui fit de la raison d'État le fil conducteur de sa politique. Toutefois, sur le plan théorique, c'est un autre nom de la même époque qui doit être retenu. Il s'agit de Gabriel Naudet. Né le 2 février 1600 à Paris et mort le 10 juillet 1653 à Abbeville, il est surtout connu aujourd'hui pour avoir été le premier auteur ayant proposé un classement systématique des livres dans une bibliothèque. Mais pour la question qui nous occupe aujourd'hui, c'est son ouvrage intitulé « Considérations politiques sur les coups d'État » paru en 1639 qui importe. Pour Naudet, en effet, le coup d'État fait partie des arts de gouverner. C'est un acte extrême et violent qui se justifie quand la raison d'État, confrontée à un événement pressant et urgent, doit s'affranchir de ses propres lois pour le salut de l'État. Dans ces circonstances extrêmes, le coup d'État s'impose au prince car son devoir suprême est de sauver l'État. Cette manière de justifier les coups d'État, difficilement compréhensible aujourd'hui, jouissait d'une bonne considération au XVIIe siècle car elle était interprétée comme un coup de majesté, une réaction salutaire pour restaurer un ordre menacé. Dans son livre, Naudet présente le massacre de la Saint-Barthélemy, perpétré en 1572, comme un modèle de coup d'État. Considérant toutefois qu'il ne faut jamais rien entreprendre si on ne le veut achever, il déplore le caractère imparfait du modèle, puisque le massacre n'avait pas éliminé tous les Huguenots. Selon lui, il aurait fallu imiter les chirurgiens experts qui, pendant que la veine est ouverte, tirent du sang jusqu'aux défaillances pour nettoyer les corps de leur mauvaise humeur. Gabriel Naudet s'interroge aussi sur les meilleures manières de justifier des coups d'État qui peuvent aboutir à l'élimination de tous ceux qui sont présentés comme une menace pour le prince. Pour qu'il soit efficace, dit-il, le coup d'État doit être spectaculaire et théâtral, car comme le peuple est stupide et sot, il faut nécessairement le tromper. Voilà pourquoi le prince doit le manier et le persuader par de belles paroles, le séduire et le tromper par les apparences, le gagner et le tourner à ses desseins par des prédicateurs et des miracles sous prétexte de sainteté, pour le mener par le nez et lui faire approuver ou condamner, sur l'étiquette du sac, tout ce qu'il contient. Je ne suis pas sûr que nos démocraties aient complètement rompu avec ce genre de tromperie, mais il vaut mieux mener le peuple par le bout du nez pour le conduire jusqu'aux urnes plutôt qu'à l'échafaud. Merci Gérard Noiriel, ce pourquoi du comment à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Et voici qu'arrive Valérie Hanin, bonjour. Bonjour Xavier. Directrice de rédaction du magazine L'Histoire avec, à la une, Rome, de Romulus à César, naissance d'une cité géante, un dossier qui ne s'est pas fait en un jour, j'imagine. Absolument, Xavier. En effet, d'habitude, on s'intéresse toujours à la chute de Rome, hein, les historiens, mais aussi tous les déclinistes de tout poil. Et là, on a voulu, avec Catherine Virlouvet et Stéphane Bourdin notamment, qui ont donné l'année dernière un très beau livre chez Belin sur la naissance d'un empire, en s'appuyant sur leur travail, en l'étendant, s'interroger sur, au contraire, les raisons du succès de Rome. Pourquoi une cité comme une autre, après tout, Rome au 8e siècle, avant Jésus-Christ, comme on dit, eh bien, c'est une cité parmi tant d'autres. Et comment, un peu plus de 700 ans, est né un empire territorial qui, à ce moment-là, subjuguait et fascinait tout autant que la chute nous en fascine aujourd'hui. Donc, pourquoi c'est Rome qui est devenu un empire? Et ça, ça ne va vraiment pas de soi. Et l'hypothèse, parce qu'on sait, hein, qu'il y a une vraie cité au 8e siècle sur le Palatin, l'archéologie nous confirme aujourd'hui, il n'y a pas de Louve. D'ailleurs, on n'a pas mis la Louve en couverture, on a mis Brutus, c'est-à-dire le vieux Brutus, le premier républicain, hein, puisque cette cité est devenue république en 509 avant Jésus-Christ. Eh bien, la démonstration que nous font nos auteurs, c'est de dire que c'est précisément ça aussi le succès de Rome, c'est cette idée, cette machine à intégrer. Bien sûr, il y a la conquête, bien sûr, il y a les succès militaires, bien sûr, il y a des grands chefs et il y a un système d'institutions, mais il y a ce que n'ont pas fait les autres cités, ce que n'a jamais fait Athènes, la construction d'un État, d'une Italie romaine, puis d'un empire romain où la cité, la citoyenneté, le fait d'être citoyen romain s'est largement diffusé. Et ça, c'est un modèle qui n'existe nulle part ailleurs. Les raisons d'une hégémonie, d'ailleurs, le dossier oui. s'ouvre ainsi parce que c'est ça qui est passionnant. Vous le posez très bien, Valérie, la problématique, c'est vraiment parmi toutes ces cités autour de la Méditerranée, pourquoi celle-là? Il n'y a pas de Louvre. Mais quelle déception! Mais si, en fait, on le sait bien parce que cela est pris en compte aussi, c'est la nécessité de narrer une création absolument extraordinaire. Parce que ça aussi, c'est important pour porter cette longue histoire. Ah oui, il faut la raconter, il faut la mythologiser. Et dans cette mythologie, ce que rappelle Dominique Bricquel aussi dans ce dossier, c'est qu'on trouve des éléments qui sont ailleurs. Hein. Les jumeaux, la Vestale, Rhea Silvia et les amours avec le dieu Mars, les jumeaux abandonnés et puis finalement sauvés. Il y a Moïse aussi qui ressemble à ça. Et puis évidemment le fratricide qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de récits d'origine. Hein, et celui-là n'y échappe pas. Mais derrière tout ça, puisque Romulus, sans doute, n'a pas existé, mais il y a peut-être Romanus, hein, voilà, c'est les premiers rois, c'est la cité royale. Donc, derrière cette mythologie, vous avez raison Xavier, il faut écrire un récit, il faut même trouver une date d'origine, 753, date légendaire bien sûr, mais c'est à peu près sept rois avant 509, ça on la connaît, la date 509, c'est la naissance de la République romaine. Et là, on a déjà plus de 40 000 citoyens. Et peu à peu, en faisant la conquête de l'Italie, mais c'est une conquête qui s'accompagne d'un réseau d'alliances, avec partout des cités qui sont des petites Roms en quelque sorte, et où on va finalement intégrer, lorsque l'Italie devient romaine au 1er siècle, l'époque de Cicéron, César, eh bien il y a 910 000 citoyens romains. C'est l'art d'intégrer, en fait. C'est ça, la réussite. L'art d'intégrer, qui peut nous faire aussi réfléchir aujourd'hui. Peut-être. C'est ça. Bah, c'est l'intérêt de l'histoire, toujours avec le magazine L'Histoire. Merci beaucoup, Valérie Hanin. Merci. Rome, de Romulus à César, naissance du cité géante. C'était le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission préparée par Marion Dupont, Toscane Vudet, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou, Valentine Lovrens. Émission à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.